The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Stage. L'étape. Courage. Le courage. Kilometer. Le kilomètre. Mountain. La montagne. To give up. Abandonner. Effort. L'effort. To supply. Fournir. To get depressed. Déprimer. Fall. La chute. To continue. Continuer. Nail. Le clou. Now, a bit faster. To give up. Abandonner. To continue. Continuer. Stage. L'étape. To get depressed. Déprimer. To supply. Fournir. Nail. Le clou. Fall. La chute. Kilometer. Le kilomètre. Effort. L'effort. To supply. Fournir. Courage. Le courage. To continue. Continuer. Courage. Le courage. Fall. La chute. Nail. Le clou. Fall. La chute. To get depressed. Déprimer. To continue. Continuer. Effort. L'effort. Kilometer. Le kilomètre. Mountain. La montagne. Effort. L'effort. Now, use the words in context. Le courage. You must have courage to accomplish everything that she has done. Il faut du courage pour accomplir tout ce qu'elle a fait. Abandonner. I'm going to give up on this idea. It's too risky. Je vais abandonner cette idée. C'est trop risqué. L'effort. After numerous efforts, I succeeded in realizing my dream. Après de nombreux efforts, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Fournir. I have put in a lot of effort, I've gotten this far. J'ai fourni de nombreux efforts pour arriver jusqu'ici. Déprimé. Since she left him, he is getting depressed and doesn't want to see anyone. Depuis qu'elle l'a quitté, il déprime et ne veut voir personne. Abandonné. I'm going to give up on this idea. It's too risky. Je vais abandonner cette idée. C'est trop risqué. L'effort. After numerous efforts, I succeeded in realizing my dream. Après de nombreux efforts, j'ai réussi à réaliser mon rêve.